Nabil, on se tire, loin de ces faux types, ouais ouais en bas. Tu te rappelles les bacs qui nous disaient les deux frères, on vous aura. Métro technique, H24 sur le raté. Ces rappeurs font les acteurs, n'ont pas vécu la moitié. Ce qu'on a vécu Chica, Chico Chico Loco, on se barre à Salou ou à Zertspeech. Y'a que des neiges, nous on est rapat, on se tape sur la plage. On serre des grosses fesses, ouais bouge tes gros fesses, te voile pas la face. On te boit toujours QLF au carré VIP. On se perd, on se retrouve quand ça se pète à pétasson, t'es vite. Ce soir on te perd de vue, à cause d'une bagarre, à cause de tac tac. C'est le ghetto, c'est bim. Ouais y'a la légende, ouais demande à CAC. Dans 9-4 chez Peng Peng, demande à la PAC. Demande à Cieux Bleus, demande à la rue, demande au 9A. Connu sans le rap, on a chassé, tiré, vendu pour manger. Tu sais rien, fuck vos interviews, j'aurais pu passer dans vos reportages de chiens. Fallait qu'on le vise, fallait qu'on le vise, fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on trine, on voulait pas prier, fallait qu'on grave. Le ciel est gris, soleil arrive, fallait qu'on se faille. Tout pour un mif, allez on se tire, allez on raille. M'a dit prends le monde. Le regard dans le vide, milliers d'euros pour retrouver la vue. J'ai le stup dans le dos et go, je me retourne même plus. Mani, bientôt les poches pleines. Vous pouvez me quitter, malheureusement, mais je suis chaud, tu finiras jamais seul. Je veux une nouvelle vie pour ma F. Leur victoire a le goût du sperme, ma défaite aura l'odeur du coche. De détester, j'compte vent. Un peu comme avant, un peu comme Adé. Je recompte mon cœur, j'fais mon beurre. Jusqu'à ce que l'avenir ne leur fasse plus jamais peur. Fallait qu'on le vise, fallait qu'on le fasse. Fallait qu'on trime, on voulait pas prier, fallait qu'on grave. Le ciel est gris, soleil arrive, fallait qu'on se faille. Tout pour la mif, allez on se tire, allez on raille. Tu sais pas, et je me taille, et je me taille. Toute l'année, et quand je suis sous un nez. Et je me taille, et je me taille, et je me taille, et je me taille, et je me taille, et je me taille. Woo!